pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier les temps des malentendus et les temps perdus, à savoir comment oublier ces heures que tu es parfois à côté, pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi je t'offrirai de perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera roi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Je te vanterai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu des fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de son roi mort de n'avoir pas pour te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent jaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est paraît-il de terre boueuse donnant plus de bleu qu'en meilleur avril. Et quand vient le soir pour qu'un ciel flamboie, les rouges et les noirs ne s'épousent-ils pas? Ne me quitte pas.